La situation de conduite est la suivante. Je roule à 80 km/h et j'approche d'une limitation à 70. Avant toute action, il faut analyser l'ensemble de la situation. Je n'ai pas beaucoup à ralentir car entre 80 et 70, il n'y a que 10 km/h. Le plus important est derrière. Un motard me suit de très près. Si je freine, même très peu, il risque de me percuter ou tout au moins d'être surpris. Pour éviter tout risque avec le motard, il est possible de respecter la limitation sans freiner. Par exemple, en enlevant le régulateur, la voiture va ralentir toute seule, ou en le réglant à 70, la voiture va là aussi ralentir toute seule, et la vitesse se stabiliser à 70, ce qui évitera l'excès de vitesse toujours possible. Réponse A et B.